Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition du Team Pusho qui vous présente à vos jeux avec Zoé. Comment vas-tu Zoé? Ça va très bien Mickaël, merci à toi. Bah écoute, ça va. Alors dis-moi, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui je vais vous parler du jeu Call of Duty World War 2, une nouvelle édition qui est sortie le 3 novembre dernier sur PC, PS4 et Xbox One. J'avais eu droit à l'accès anticipé de la bêta il y a quelques semaines en arrière. Là maintenant j'ai pu saigner le jeu depuis qu'il est sorti, donc pour vous faire un avis assez tranchant. Comme vous me connaissez, oui, c'est ça, exactement. Alors, on t'écoute, tu viens de nous parler de la campagne, déjà, en premier lieu. Oui, alors déjà, juste pour petit rappel, au niveau des infos générales du jeu, je rappelle que Call of Duty donc, est un FPS, un jeu de tir à la première personne. La licence existe depuis 2003, ils nous ont fait tout un tas de types de jeux différents. Ils ont abordé plusieurs guerres, notamment des guerres mondiales, le Vietnam, la guerre froide, et souvent des conflits modernes fictifs. D'ailleurs, il y a plus de 240 millions d'exemplaires vendus à travers le monde de tous les opus réunis. C'est d'ailleurs l'un des jeux les plus vendus, juste derrière Super Mario et Pokémon. Yes. Comme quoi, c'est assez intéressant. Call of Duty World War 2 a donc été développé cette fois-ci par Sledgehammer Games, qui était d'ailleurs derrière la création de Modern Warfare 3 sorti en 2011 et Advanced Warfare 2014. Et rappel, Call of Duty World War 2 est le 14e opus de cette licence. Déjà, exactement, ça file. Rajeunit pas. J'allais dire la même chose. Alors après, bah oui, effectivement, durant la bêta, j'avais pu tester le mode en ligne. Un retour aux sources réaliste et très sympathique, surtout réaliste. Fini les lâchers de chiens, mais bonjour les coups de couteau, les cocktails Molotov et les crânes défoncés à coups de casque. L'horreur de la Seconde Guerre mondiale est assise au premier plan. Et du coup, bah maintenant, depuis que le jeu est sorti, je me suis surtout intéressée à la campagne. Une campagne d'ailleurs hyper bien réalisée et finement travaillée. Je crois qu'elle a fait le bonheur de tous les fans de la licence. Les développeurs nous plongent en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Donc on l'a pas vécu, certes, on l'a découverte à travers des films cultes, des films dont se sont inspirés des développeurs. Ainsi, donc, comme Il faut sauver le soldat Ryan, au début de la campagne, on est plongé en plein cœur du débarquement de Normandie. Bon, cette partie n'a rien à envier en film. Ça passe un petit peu trop vite, on aurait espéré être plongé un petit peu plus longtemps dans cet univers de ce débarquement qu'on connaît effectivement, mais de pouvoir le jouer, c'est toujours intéressant, même si on l'a vu dans d'autres jeux. Voilà, mais là, ça passe un petit peu vite, malheureusement. Mais bon, finalement, dans cette campagne, plus on avance et plus on devient accro. On retrouve aussi plusieurs références à des films ou des séries comme Band of Brothers, la série la plus réaliste sur la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs créée par Tom Hanks et Spielberg. il va me tuer d'avoir écorché son nom. Non, voilà, deux grands noms du cinéma, c'est une série vraiment que je vous conseille, et du coup on retrouve certains éléments de cette série dans cette campagne. Finalement aussi, l'avantage de cette campagne, c'est qu'on vit différentes facettes de ce conflit mondial. On dégomme des avions avec la DCA, on joue toutes sortes d'armes, des fusils mitrailleurs aux snipers en passant par des mitrailleuses lourdes, ou encore le fameux lance-roquettes Panzerschreck qu'on revoit assez régulièrement et avec lequel on peut tabasser des chars à volonté. On conduit aussi des véhicules dans lesquels on est pourchassé par des dizaines de nazis. On se bat ensuite dans des chars ou même on pilote un avion. Donc voilà, des éléments assez compliqués. J'ai un petit peu de mal à passer ces passages-là dans le jeu, mais c'était vraiment fun et amusant. On incarne aussi différents corps armés, dont la résistance. Je crois que c'est quand même important de relever qu'on incarne justement cette résistance qui n'est pas toujours visible dans les jeux. On le voit plutôt dans les films. Donc là, c'était vraiment un bon point pour eux. Enfin bref, il y a de tout, pour tous les goûts, et on prend beaucoup de plaisir. Et puis finalement, cette campagne, graphiquement, elle est quasiment parfaite. Yes. C'est vrai que les cinématiques sont vraiment prenantes. L'histoire aussi est vraiment prenante. Il faut compter en moyenne 7 heures pour finir la campagne en mode normal, hein, donc voire même facile. On peut refaire plusieurs fois la campagne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas se lasser si on refait la campagne 2 ou 3 fois de suite. Parce que finalement, dans chacune de ces campagnes, il y a des souvenirs à trouver, des actes héroïques à faire. Donc finalement, ça renouvelle un petit peu l'expérience. Et c'est vraiment plaisant. Et puis au niveau de ces difficultés, ça rallonge le temps global du jeu, parce que le niveau difficile de la campagne World War 2, il faut compter en tout cas une bonne dizaine d'heures pour la finir. Hein. D'accord. Voilà, c'est pas facile. Finalement aussi, dans cette campagne, on passe pas des heures à comprendre ce qu'il faut faire, c'est vraiment fluide. Et donc c'est un très bon point aussi également pour cette campagne. Yes, bah écoute, je te propose 2 ou 3 titres, on verra bien selon l'humeur. Et on se retrouve tout de suite après pour le mode nazi zombie, si tu es d'accord. Exactement, parfait. C'est parti. Esprit. fois. Ooh yeah yeah. Ooh, ooh yeah. Dites-moi comment faire pour l'oublier. Mais facile de Marie, je suis privée de mon esprit. Dites-moi comment faire pour l'oublier. Mais facile de Marie. Je suis à l'agonie. Dites-moi comment faire. Dites-moi, je vous en supplie. Dites-moi comment faire. Moi je m'appelle Lolita, Lolo ou bien Lola. Tu pareil au même, moi je m'appelle Lolita. Quand je rêve au loup, c'est le lac qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai là un fou rire aussi fou qu'un phénomène. Je m'appelle Lolita. Je me noie, prends ma main, prends ma main. un vertige qui guide mes pas, comme la plume qui écrira sous la brume tous nos éclats. Peu importe, moi je ne veux que toi. Oh oh, les jeux sont faits, mais sans un mot, sans un bruit, tu fuis. À quoi bon lutter si cette voix brûle en toi? Je te devine, mais tu t'obstines. Du bout des doigts me retiens. Un peu de toi et je me noie. Prends ma main, prends ma main. Je t'ai le spleen que tu dessines. On est de retour dans ce Team Pool Show qui vous présente à vos jeux, bien évidemment avec Zoé. On va parler maintenant du mode nazi zombie. Oui, exactement. C'est vrai qu'il dit Call of dit aussi le mode zombie. Donc pour cette édition, ils ont choisi un mode nazi zombie pour coller au thème de la Seconde Guerre mondiale. Bon, en toute honnêteté, j'ai pas été très loin dans le mode zombie. Je suis pas très très fan de ce genre de jeu en fait. J'avais jamais testé le mode zombie. Hein, donc pour moi, c'était vraiment une première. Pas très fan. Je préfère les jeux comme Left 4 Dead dont les créateurs se sont d'ailleurs inspirés, ou alors DCIT dans l'esprit un petit peu zombie aussi. Mmh. Là, dans Call of, le seul but, c'est de faire face à des hordes de zombies, rien de bien intéressant. Ce qui relève le niveau, c'est la quête du mode zombie. Encore faut-il trouver les bons partenaires pour pouvoir terminer cette quête. On trouve la solution sur internet, hein, mais c'est très très difficile. Il y a beaucoup d'étapes à parcourir pour pouvoir terminer ce mode zombie. Je sais que certains achètent Call of Duty uniquement pour ce mode-là. Moi, forcément, c'est pas ce qui me botte le plus. Bon, d'accord, ils nous ont intégré, entre autres, David Tennant, le héros de Doctor Who. Pour ça, je lui donne quelques points de plus, car je suis fan. Tout avis tranché, bien évidemment. Voilà, exactement. Voilà. Ça, c'est mon avis, c'est propre à moi. Mais bon, voilà, après, je respecte totalement les gens qui sont fans du mode zombie. D'ailleurs, faut quand même le reconnaître, il est vraiment sanglant à souhait. Donc ça, c'est pas un souci. Les fans de ce genre trouveront certainement leur compte, ça, y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Moi, j'y ai joué que 20 minutes, je suis pas très bien placée pour faire un très bon commentaire là-dessus. J'ai pas essayé la quête, je me suis juste battue contre des hordes de zombies sans comprendre vraiment ce qui m'arrivait. D'accord. Mais bon, voilà, finalement, on s'est quand même marré pendant 20 minutes. Alors, il y a aussi, évidemment, les autres modes. Oui, bien sûr, parce qu'il y a la campagne, le mode nazi zombie, mais après, il y a tous les autres modes propres à Call of. Bien sûr, donc il y a 9 modes disponibles, dont les traditionnels domination, match à mort et autres. J'aime ça, la domination. Ça, c'est sûr. Domination qui est d'ailleurs un des modes les plus intéressants et compétitifs de ce jeu, finalement. Vous pouvez jouer avec Olga. C'est ça. En plus, avec les accents allemands, t'y es bien. Là. T'y es bien dans le thème. Bon, après, au-delà des modes un petit peu traditionnels, on retrouve aussi des modes fun, comme le football américain. Oui, vous avez bien compris. C'est d'ailleurs le premier jeu où je m'entends dire « Mais où est le ballon ?» Enfin, le premier FPS, je précise, où je m'entends dire « Où est le ballon ?» Et je pense que je vais pas l'entendre souvent. D'accord. Écoute, il aurait pu aller encore un peu plus loin. Le ballon, on aurait pu être des têtes de zombies. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, ça. Non, mais c'est vrai que c'est un mode qui est assez fun, parce que finalement, le but, c'est quand on a le ballon, on peut pas tirer, donc quand on croise un ennemi, on lui jette le ballon, il se retrouve à pas pouvoir tirer, on le dégomme et on récupère le ballon. Donc c'est assez drôle, s'ils intégraient ce genre de règles au football, peut-être que ce serait plus intéressant. Oui, oui. Mais bon, ce mode finalement est stratégique et fun, et c'est vraiment intéressant, moi je me suis bien marrée. Pour le moment, c'est un mode qui a un très bon accueil pour les fans, on verra si ça tient sur la durée. Ma foi, pour le moment, ça fonctionne. Il y a aussi un nouveau mode qu'on peut citer dans ce Call of, c'est le mode guerre. En gros, c'est différentes missions à effectuer pour gagner. C'est assez stratégique et sympathique. Simplement, pas très équilibré au niveau des assaillants qui auront beaucoup de difficultés à aller jusqu'au bout et à remporter la partie. Mais du coup, finalement, c'est quand même assez sympa parce qu'on n'est pas cantonné dans un seul mode. Et voilà, c'est vraiment un travail d'équipe qui se fait. Assez compliqué, mais voilà, c'est sympa, je le redis encore une fois. Finalement, dans ce mode, ils n'ont rien inventé. On retrouve du mode Frontline BF1 ou du Convoi d'Overwatch. Rien de nouveau sous le soleil des FPS. Mais voilà, ça n'enlève en rien le côté sympathique. Moi, j'ai préféré le mode Élimination confirmée. Donc, le but, c'est de tuer un ennemi et d'aller chercher sa plaque. Oui, bah voilà, je sais pas. Il y a un petit côté stressant parce qu'au-delà de tuer les ennemis avec ce mode, il faut ensuite aller récupérer leur plaque pour valider l'élimination. Donc voilà, c'est assez drôle et c'est vrai que c'est un mode que j'aime beaucoup, qui est pas du tout neuf hein, au niveau de Call of, mais c'est un mode qui est sympathique et qui plaît. Donc voilà pour les autres modes. Ok, bah écoute, on va repartir un petit tour en musique, le temps de se boire un bon verre d'eau, parce que tu débites tes paroles sans respirer. Je me pose toujours la question, mais quand est-ce que je vais devoir la réanimer? Voilà, si vous entendez boum, elle est tombée, c'est normal. T'as le défibrillateur à côté, oui. Non, mais je connais un chat qui a des griffes qui réveille tout de suite. D'accord, je vais éviter de tomber dans les pommes. Allez, musique, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours bien dans The Team Pool Show qui vous présente à vos jeux avec Zoé. Et c'est parti. chula. Et voilà, après cette pause musicale qui fait du bien à tout le monde pour se rafraîchir, nous allons passer sur les plus et les moins. Oui, exactement. Donc au niveau des plus, on va commencer quand même par le positif. On retrouve vraiment des graphismes sympathiques, un gameplay plus qu'intéressant, et au niveau de la jouabilité, c'est un jeu qui est facile à prendre en main, et ça, faut quand même le relever, c'est pas toujours le cas des FPS. On est plongé au niveau des parties en mode en ligne en 6v6 principalement. Ça évite évidemment le camping, ça permet de beaucoup bouger et de tourner durant les parties. Bon, certains trouvent le 6v6 un petit peu léger pour évoquer la Seconde Guerre mondiale. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est un concept Call of de faire des parties avec peu de joueurs, et c'est ce qui fonctionne justement dans cette licence. Si on veut plus de monde, autant aller se taper du 64 joueurs sur Battlefield. Yes. Sinon au niveau du bruit des armes, qui est assez sympathique et très bien réalisé, ils ont vraiment bien travaillé sur ce point au niveau du réalisme, pas que de l'histoire, pas que des graphismes, mais aussi du bruit des armes, des personnages, des répliques. Voilà, on est vraiment plongé dans un univers vraiment vraiment sympa. C'est pas futuriste comme dans les vieux Call of, et c'est, je pense, ça qui plaît essentiellement aux fans en ce moment. Les maps sont intéressantes et variées. Donc ça donne vraiment la sensation de pouvoir jouer des heures durant sans se lasser dans ce jeu, sans compter les prochains DLC qui vont sortir avec des nouvelles maps. Donc comme à ton habitude, bien évidemment, nous avons fait quelques lignes de plus. Nous allons partir sur la Bible du mois. Bien que je te kill, ma chérie. Je note. Bon, après c'est plus pour le moins intéressant, on va quand même passer au moins. Il y a quelques problèmes de latence serveur, donc on touche des ennemis à travers des murs ou en tirant 2-3 cm à côté d'eux, donc c'est quand même assez gênant et assez rageant, je dois dire. Il y a aussi pas mal de lag, toujours au niveau des latences serveur, donc ça n'a rien à voir avec la qualité des PC. Vous pouvez avoir un PC payé 2 ou 3000 balles qui tourne vraiment pour le game, et vous aurez quand même ces lags et cette latence sur les serveurs, donc des gros problème à régler pour le futur. On espère que ça sera réglé rapidement. Il y a des armes un petit peu cheatées. On va parler quand même du sniper, qu'on peut one quand même pas mal d'ennemis, et ceux qui n'ont pas des blindages ou des choses comme ça, on peut les one. Après voilà, c'est vrai que quand on joue du côté du sniper puis qu'on one pas, on n'est pas content. Donc voilà, finalement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, la question elle reste éternelle. Après, il y a quand même une arme particulièrement cheatée, c'est le fusil à pompe incendiaire. Donc on peut tirer un mètre à côté à ses pieds, l'ennemi va cramer devant nous et il va hurler jusqu'à la mort. Il hurlera encore 3 minutes après être mort, donc ça c'est comique, je dois dire. Je vous rappelle que nous sommes bien dans un test de jeu, non dans les infos locales. Oui, hein. Il n'y a pas eu de fusillade dans le coin, c'est seulement dans Call of. Et puis, toujours au niveau des armes, on peut en relever un petit manque de recul sur la majorité des armes, ce qui fait que tout le monde, ou presque, peut faire des frags assez facilement, donc c'est un jeu qui est à la portée de tous. Ouais, ma foi, c'est l'âme de Call of, on va quand même pas critiquer à ce niveau-là, mais bon, voilà, j'attendais quelque chose d'un petit peu plus technique quand même. D'accord. Le jeu est assez rapide, ça c'est sûr. Il aurait pu l'être encore plus, notamment au niveau de la transition d'armes, parfois un petit peu buggée, mais sinon il y a quand même une bonne réactivité qui est intéressante. Il y a toujours des bugs au niveau des divisions, des bugs qui étaient déjà là pendant la bêta et qui sont toujours présents après la sortie du jeu. Pareil, on espère que ces derniers bugs seront réglés assez rapidement. D'ailleurs, je pense que pour beaucoup de jeux, maintenant, on pourrait mettre, lorsqu'ils sortent à la vente, fourni 100% buggé. Oui, c'est un peu ça, quoi. Il y a des jeux pires que ça, on en parlera tout à l'heure, d'ailleurs. Pour conclure, les développeurs ont séparé la partie zombie de la partie campagne et le multi. On se retrouve alors avec deux jeux distincts qu'il faut lancer et fermer chacun son tour pour pouvoir lancer l'autre mode. Ils auraient pu tout réunir sur une plateforme, ça aurait été beaucoup plus simple et plus rapide. Ça, je n'ai pas compris le concept de faire deux jeux séparés. D'accord. Bon, voilà. Donc voilà pour ce petit test. Au niveau de la conclusion, voilà, c'est une réelle surprise, je vais quand même pas le cacher. Ce Call of, c'est vraiment un jeu pour tout âge, amusant, fun, réaliste et jouable à la fois. Je crois que c'est quand même important de relever que c'est réaliste et jouable. Et mêler ces deux points, c'est pas toujours évident. D'accord. On le voit au niveau de la sortie de BF1, dont on parlera juste tout à l'heure. Et voilà, l'âme de ce Call of est bien présent dans ce World War 2. Un retour aux sources bien vu de la part de Sledgehammer, qui réjouit ainsi de nombreux fans, peut-être lassés par les guerres futuristes, et ça je les comprends. Alors même si la Seconde Guerre mondiale, c'est du vu et revu, ce nouvel opus nous en met plein les yeux, et ça fait du bien. Yes. Musique, hein. Musique. Musica. Musica. Olé. Allez, c'est parti pour la musica. Et puis, on revient après pour les comparaisons, les comparatifs. Exactement. Allez, Conchita. je vous laisserai la place à tous ceux qui travaillent avec un salaire de survie et qui s'imaginent que les gens d'en bas sont mieux lotis. Je vous invite tous à déclarer votre détresse à ceux d'en haut qui nous confisquent la richesse. Je lance un SOS. Je lance un SOS. Je lance un SOS depuis la planète RSA. Du fin fond du cosmos, du social au fond tout en bas. Ce n'est pas parce que la misère des autres vous fait peur qu'il faut me regarder avec cet œil accusateur. À tous ceux qui me traitent allègrement de parasite et qui aimeraient bien me voir disparaître au plus vite, je poste un SMS à ceux qui sont déconnectés. La misère c'est toujours trop long à expliquer. Je lance un SOS. Je lance un SOS. Je lance un SOS. Je lance un SOS. Voltige, nous avons glissé, raté le virage, nos sanglots délaissés s'envolent en nuages, tout est noir, nous on s'égare, nous ne touchons plus le bord du rivage, laissons tomber nos corps à l'horizontale, laissons tomber sans remords nos vérités bancales. Extinction en murmure électrique, l'ampoule de la chambre a grillé, nous voilà prêts pour le saut à l'élastique. Nos vies défilent dans nos yeux troublés, passage à l'acte, suspension dans l'air. Arrêtons de trop croire, tout retombe en poussière, des déboires maladroits me font rire, mais toi tu dis qu'il faudrait en finir. Laissons tomber nos corps à l'horizontale, laissons tomber sans remords nos vérités bancales. Nos ombres s'évaporent sur le mur, mais toi tu danses au battement de la pluie, nos corps se mêlent au milieu des murmures, mais toi tu danses contre la nuit, nos démons sont là en cavale, mais nous on dévale de l'amour, nous sommes pâles, les ronds ovales, sortons de prison, arrachons les étoiles, nos corps à l'horizontale, laissons tomber sans remords nos vérités bancales. Laissons tomber nos corps à l'horizontale, laissons tomber sans remords. into the night, where we can love each other till we die, without the tears and all the fights. We'll let our shadows tell them why we had to run, we have to hide, we have to leave it all behind. We have to run, we have to hide, we have to leave it all behind. Oh. Yeah. I think we should go. I'll never get the reason why we had to spend so much wasted time. Don't wanna keep up all the lies. Let's drop it all and tell them why. We have to run, we have to hide, we have to leave it all behind. We have to run, we have to hide, we have to leave it all behind. Never could imagine it could be this way, but I think our love will keep me sane. Never could imagine there would be a day we would have to, we would have to run. I really didn't think so. Are you coming? Then we pack our bags, take a ride. Let's go. Alors, les comparatifs des Conchita, plumeau ou pas plumeau? Alors oui, c'est exactement ça, plumeau ou pas plumeau. J'avoue que quand on parle de code, on pense aussi souvent à la licence Battlefield. On voit beaucoup de comparatifs entre ces deux jeux sur Internet et ça, ça date pas d'hier. Moi, j'ai décidé de mettre mon petit grain de sel là-dedans et puis de comparer aussi ces deux jeux. Surtout dans notre région, mettre son grain de sel, c'est la mode. Pique, ouais, c'est ça. Voilà. On vous expliquera un autre jour. Voilà. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai suivi la licence Battlefield depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donc, je connais la licence Battlefield sur le bout des doigts, contrairement à la licence Call of. Mais voilà, je me suis dit, même si ces deux jeux qui sont semblables, c'est quand même pas évident de comparer ces deux licences, parce que finalement Code, c'est plutôt un jeu arcade, Battlefield c'est un jeu axé sur le réalisme. Code, quand même, au niveau chiffre, détrône BF au niveau des ventes, avec 240 millions de ventes contre 50 millions seulement pour Battlefield. Rien que Modern Warfare 3, sorti en 2011, a été vendu à plus de 31 millions d'exemplaires, ce qui tient presque tête à tous les opus de Battlefield réunis. Le plus célèbre des Battlefield à ce titre est le 3, avec plus de 17 millions de ventes. Bon, ça c'est que des statistiques, car généralement dans les sondages, les fans sont plus nombreux du côté de BF, ce qui est surprenant finalement par rapport aux chiffres que je viens de vous citer. Ah oui, en effet. Mais bon, il faut avouer que ces deux licences s'adressent à des joueurs totalement différents. Battlefield a toujours misé sur le réalisme. On a d'ailleurs souvent comparé ces deux jeux en attribuant Code aux jeunes et BF aux joueurs plus mûrs et expérimentés. Mais qu'en est-il des dernières sorties de ces deux licences, à savoir World War 2 et BF1? La Seconde Guerre mondiale contre la Première Guerre mondiale. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Alors que la licence BF vendait du rêve avec ses derniers opus, notamment BF3 et BF4, il y a Hardline qui est sorti. Il faut avouer que pour faire pire, il faudra se lever très tôt. L'instant, je te casse du jour, je l'attendais celui-là. Bon, mais Call of Duty, quant à lui, c'est pas mieux. Hein. Il s'est largement planté avec son Infinity Warfare. Donc finalement, les deux licences sur ce point-là sont à égalité. La balle au centre. Comment peut-on presque atteindre la perfection pour ensuite se foirer autant? Pour moi, c'est une question que je me pose et que je me poserai toujours. Là, j'ai pas la réponse. Mais bon, suite à ces échecs, les deux licences ont totalement revu leur dernière sortie, donc World War 2 et BF1. Un retour aux sources pour les deux jeux dont le mot d'ordre est le réalisme. Mais alors que World War 2 semble être un pari réussi, BF1 est quant à lui l'un des pires jeux de la licence après Hardline. D'accord. Donc voilà, un retour aux sources pas forcément réussi pour les deux licences. DICE a tellement voulu miser sur le réalisme que son dernier opus en est devenu injouable. Bon, d'accord, il est magnifique, ultra réaliste, les cartes sont splendides, les armes finement travaillées, on peut lui trouver tout un tas de bons points sur le graphisme. Il est magnifique, tout ce que vous voulez, mais le gameplay, on a pris un sacré coup quand même. Battlefield s'est totalement éloigné de ce qui faisait autrefois sa réussite et s'est mis à dos de nombreux fans. A contrario, COD est revenu en force avec son dernier volet, coiffant au poteau son concurrent. Évidemment, c'était pas très compliqué. Le gameplay de World War 2 et sa campagne sont incomparables à BF1 qui est malheureusement loin derrière. L'excellente qualité graphique et l'ultra réaliste de BF1 sont les seuls bons points à relever. Pour ma part, fan de BF, je suis passé sur COD avec ce World War 2 et pas que pour le test, je continuerai à y jouer avec grand plaisir. Mais je resterai toujours fan du bébé de DICE, j'attends simplement sa prochaine sortie qui j'espère saura me faire vibrer comme ses précédents opus. Et vous, vous êtes plutôt quoi ? BF ou COD ? Evil Within 2. D'accord. Voilà, je suis très en retard moi dans mes tests. Voilà, je teste tellement de jeux que c'est peut-être un par an. Oui, quel voilà. Sacré rythme quand on sait que moi j'en teste deux par mois. Non, mais moi pour les terminer il me faut toujours 6 mois donc tu vois, c'est... Mais moi je les termine pas la plupart des jeux, à part de temps en temps comme la campagne de Call of où là j'ai été jusqu'au bout. Mais sinon, j'ai vu quelque chose, on vous parlera justement de Battlefront dans la prochaine émission. Petit spoiler pour la prochaine émission, Il faut plus de 4000 heures pour réussir à tout débloquer dans ce jeu. 4000 heures, je sais pas si tu te rends compte que même passer une vie sur jeu, t'es pas sûr de tout débloquer en fait. D'accord, mais au moins ça fait des économies. Oui, alors ça c'est sûr, t'achètes un jeu, c'est bon, t'es bon pour toute la vie. D'accord, ok. Eh ben, pause musicale, si tu veux bien. Oui, feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. In love, ain't in love. Now I know I've got to run away, I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone. I've seen the world, I've done something to spend my time queens and kings been in crowds but been alone. All I want is to find my way back home, find my way back home. Was young, but that's no excuse for the things I've done. Tell your mom and you're tired despite what they think. I'm not a sociopath, I'm just a little scared of what I'm feeling. And I feel high. Watch your eye, doesn't show now that it's too late. If I had you alone, I wouldn't hesitate to kiss you. Now we're on the go. If the ground turns us down, getting faster. The little joke, the little toast, forever after. I miss you. And although it wasn't true, I realize I really do. Your face on my phone, and I'm mad that you broke. Does it still smell like rain from September? Sound with X's and O's. Eh ben écoute Zoé, ben dis à bientôt. À tout bientôt, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et une bonne semaine à tous, un bon week-end et on se dit à bientôt. À bientôt.